C'est le Hood Dog. La face. 81. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On parle de politique avec François Landry. On fait des sorties culturelles alternatives de Sébastien Dulude. Il y aura aussi une chronique CNX. Oh, mais c'est Assemblage requis, c'est tout de suite. Bonjour et bienvenue à l'émission Assemblage requis, votre émission du retour en pièces détachées avec Mathieu Plante. Et Kiwan, et on précise l'émission parce que faut pas faire différence, faut faire différence avec le film Assemblage requis, hein, qui est... Exactement, et la télésérie aussi. Oui, et le roman, aussi basé sur le film qui a inspiré la série radio Assemblage requis. Bref, dans l'émission d'aujourd'hui où je continue mon gros chiffre de 4 heures, si on ben veut. Ben oui, beaucoup de radio pour toi aujourd'hui, Mathieu. Tu vas être fatigué ce soir. Ah, c'est clair, mais je le suis à tous les jours. Bref, j'ai animé le dîner de con avec André Baudet tantôt. C'était vraiment le fun, vraiment drôle. Il y avait Gilles Ladouceur que vous allez pouvoir retrouver en balado-diffusion en ce moment sur cifou.ca. Là, c'est très drôle sur les moustiques. C'est déjà rendu sur le C'est sur déjà le là. Absolument. Ah. Ouais. Mais sinon, là, c'est Assemblage requis qui commence. Donc, c'est l'émission du retour culturel, musical, chronical, si on veut. Plein de choses. Il va y avoir François Landry qui va nous parler de politique, comme tous les mercredis. Oui, aussi, Sébastien Dulude va être là vers la fin de l'émission pour nous faire ses suggestions de sorties culturelles alternatives. Dans la marge, si on veut. Et il va aussi avoir une chronique technologique CNX dans une vingtaine de minutes environ. Mais on va commencer ça en musique avec le groupe Les Violents Cachalots. Et on écoute un classique, mais je dirais pas classique parce que ça n'a pas duré très très longtemps. Mais voici la pièce François Legault. C'était sur le palmarès de C'est fou jusqu'à très récemment, ça. Vivant. C'est Assemblage requis. Au 89 FM. Hey, c'est-tu que ça fait, du H? Quelque part à Saint-Eustache, dans un sous-sol en carton, un gars avec tellement de CD qu'il peut même plus respirer. Ses cartes de crédit sont loadées. Il arrête plus d'en acheter. C'est un ami de l'oblique, puis du CD ésotérique. François, François Legault, vendrait sa mère pour un record. Oh, François Legault, t'es pas tout seul. C'est parce qu'en bouteille, il y en a 36, puis c'est aussi le nom d'un ministre. L'ancien chum à Marie-Pierre, et puis du chum à Marilyn. Mais François, t'es mon geek à moi. C'est parce qu'il n'y en a rien qu'un qui m'appelle, qui me laisse des messages sur mon répondeur, et qui m'annonce les shows qui viennent, même ceux qui ignorent les promoteurs. T'es écrit dans son petit carnet. Il collectionne les téléphones, les sorties de disques que personne connaît, les choses que jamais personne. Et François Legault vendrait sa mère pour un record. Oh François Legault, t'es pas tout seul. Tu passes dans le bottin en 36, puis c'est aussi le nom d'un ministre. L'ancien chum à Marie-Pierre, et puis du chum à Marilyn. Mais François, t'es mon geek à moi. C'est acheter une robe de Radiohead pour la donner à sa future blonde, parce qu'arrive des shows 3 heures en avance pour checker des places pour tout le monde. Y'a pas de linge dans ses tiroirs, ils sont remplis de jeux vidéo. C'est parce que JF doit pas mal de cash, et avec le reste, c'est GSUH. Mais François Legault vendrait sa mère pour un record. trouver un port sur la Lune, n'oubliez pas de lui donner quelques fiches notes à la région de la Lune. Blackbird came to me. She sang her melody as she sang. I promise you I won't fly away. Blackbird, tell no lies. Blackbird, you caught my eye, but the rain has taught me that you will fly. Just as soon as the skies turn gray. Thank you, rain. Thank you, rain. Wash away all my pain. Clouds, beautiful skies today. You'll chase them until your dying day. Thank you, rain. Thank you, rain. Marcy Pegground et Blackbird, c'est sur le palmarès anglophone de C'est fou et c'est à Assemblage Ruc. Oui, t'as toujours pas été écouter la pièce culte de Marcy Playground. Non, puis il aurait fallu que tu me le dises, j'aurais voulu la faire jouer, il faut la faire jouer à un moment donné. Ouais, on va essayer ça. Ah. C'est sûr, tu vas la reconnaître puis tu vas dire « Wouah! » C'était quoi? Chante-moi l'air. Non. Je t'enlève le fond. Non. Mais ça s'appelait Sex and Candy. Sex and Candy. Non, c'est sûr que tu vas la reconnaître. Ça ne dit absolument rien. Je te dis. Absolument rien. Avant ça, on a entendu les violents cachés à l'eau avec François Legault. Bon. L'émission continue. Elle bat son plein. Bat son train. C'est quoi l'expression? Bat son plein, je pense. Elle bat quelque chose. En tout cas, elle se fait aller à la couette, là, puis la queue. Dans le vent. Dans le vent. Ça fouette. Tel un chien. Terrible. Ouais, terriblement bon. Tantôt, je suis en train de préparer la chronique technologique CNX. Aujourd'hui, ça va être des nouvelles du futur. T'es en train de. Enfin, je pense qu'il fallait pas que tu dises que t'étais en train de la préparer là, parce que les gens pensaient que t'étais un gars. Super à son affaire, qui préparait tous ses trucs une journée à l'avance. Ce n'est qu'un mythe. Un jour, Simon Fitzbé fera une chronique sur moi. C'est pour ça, en fait, que l'heure de la chronique est variable. Vraiment? Ça dépend de la durée de la préparation. Ça dépend de plein de facteurs. Mm-hmm. Mais pas du facteur, parce que le facteur est toujours à l'heure sur Internet. Et tout le temps, la nouvelle est vraiment dans mal au moment même qu'elle se passe. Mm-hmm. Bref, nouvelle du futur, tantôt dans le bloc CNX, mais avant ça, on retourne en musique. Oui, on va aller écouter Keith Kounin qui va être en spectacle bientôt en Trois-Rivières, au Zénob, ici vendredi le 16 octobre, ce vendredi dans deux jours. Et ça, au Zénob, ça va être assez intime avec Keith Kounin. D'habitude, il est seulement lui avec sa guitare, puis un genre de beatbox, un genre de cassette. Il fait jouer sa cassette, puis il s'accompagne avec sa guitare. C'est toujours très sympathique, un petit spectacle de Keith Kounin comme ça. Où ça me surprendrait que ça avec un band. Il y a aussi une formation groupe là, pour faire son spectacle solo. Mais c'est ça, je l'ai vu récemment, là, c'est au gala du Gamet qui était avec tout son groupe, là, des certains anciens membres des Ghouls d'ailleurs qui étaient avec lui. Mais non, d'habitude, surtout au Zénobles, c'est vraiment pas grand. D'après moi, il va être tout seul. Ça va être super sympa. C'est très sympathique, ce Zénobles, pour un spectacle dans ce genre-là. Donc voici Kit Kuna, on écoute Brillantine. Brillantine, elle semble à Rocky. Au 89 FM. C'est fou!

Le Pentagone. Moi, en tout cas, je les accueille favorablement. Les robots, je trouve que ça va être de très bons maîtres. J'ai hâte de les avoir comme maîtres. Ouais, mais toi, t'es un robot. C'est correct. Je pense que t'es correct. T'es un robot, c'est pas pareil. Fallait pas le dire. Ouais. Faut garder le masque, l'anonymat. L'anonymasque. Là. Je pense que je l'ai bouché avec celle-là. Anonymasque! C'était la chronique technologique CNX. Il y en a une autre demain vers les 15h20, comme toujours. Et elles sont compressées en un seul et même fichier. Oui, qui est diffusé les lundis matins ici sur les ondes de C'est fou, les lundis à 10h. Ça s'appelle CNX.zip et c'est même animé par l'incroyable robot Mathieu Plante. C'est ça. Pendant que moi, je travaille dans le bureau, il y a mon robot Mathieu Plante qui... C'est un peu mêlant, tout ça. Je suis moi-même un robot, mais j'ai aussi un robot. OK. Comme plusieurs copies de mon robot. OK. On retourne en musique à Assemblage requis jusqu'à 17h. C'est l'émission du retour en pièces détachées avec deux animateurs béton, comme on le voit ici. C'est béton. Voici Valise et la pièce du palmarès Killer Legs. Killer Legs. Ouais. Mes jambes peuvent te tuer, Killer Legs. Jambes de robot. Clac! Dans ta face. Fou 89.1. Le bon musée dans tout temps! Vous écoutez Assemblage Requis jusqu'à 17h. Wow, relax, mange pas tes bas. Wow, wow, ça vous parle des bébés. Mathieu, il s'emporte pendant les pubs, là. C'est traumatisant. Calme-toi. Je tombe sur la fesse, comme ça. Calme-toi. J'ai de la douceur. C'est l'effet du. Ouais, c'est ça, c'est l'effet du nez de con à midi. Vraiment. C'est ça, hein? Ça m'a mis fou, furieux. C'est l'effet d'André, là. Tu t'emportes comme André, je trouve. Vraiment. Faut que je me tienne un petit peu loin d'André une fois de temps en temps, là. Mais bon. C'est toujours à Kiwan et Mathieu, Assemblage Requis. Nous sommes Kiwan et Mathieu, pour ceux qui n'auraient pas saisi le titre encore. Qu'est-ce qu'on fait, Kiwan? On prêt à retourner en musique, sûrement. Ben oui, pourquoi pas. On va l'entendre de Alexandre Desilets. Ben oui, c'est une nouvelle pièce, en fait, qui va se retrouver sur un prochain album. C'est une pièce qu'on avait déjà diffusée en primeur exclusive ici, quand tu l'avais reçue en entrevue. Il t'avait donné une petite nouveauté, un petit cue. Et puis là, ben, on a reçu le single, single. On a reçu la pièce, voilà. C'est ça. Donc voici Où vent nous-mêmes. D'Alexandre Desilets. Vous êtes à Assemblage Requis. Au 89.1 FM. It's crazy that! Je serai les coups que tu déploies, comme si mon cœur pouvait les prendre, pour apaiser les tourments qui rentrent. Et que je sois au bout de ta clémence, je saurai aller à ta rencontre, chasser les démons et nous sortir de l'ombre. Je m'en vais briser le silence, au-delà des mots qu'on veut entendre. Les jours de peine, ne pensant plus. ne les confie. Et les systèmes d'alarme. Vous savez, l'album LP3, tout récent, ça. Tout récent. Toujours très bon. Mm-hmm. Toujours des genres d'entre-pièces entre les pièces de... Avec des petites paroles toutes cute qu'on parle par-dessus, puis c'est tellement un manque de respect de notre part. Ouais, mais quand même, faut pas exagérer. Je pense qu'rendu à ce volume-là, les gens les entendent même pas pareil, les paroles. Donc, je pense que c'est pas vraiment un manque de respect. Non, on est sympathique avec les artistes et les artistes sont sympathiques avec nous. Donc, n'avait confié, on aime ça. Ben non, mais c'est quoi ces espèces de dictons-là? J'essaie d'inventer des dictons, moi, puis... ah oui, donc. Ridicule. Ça n'a pas de sens. Aucun sens. Du tout, du tout, du tout. Vous êtes à l'Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées avec Kiwan et Mathieu. Oui, et on retourne ça en musique? Ben, si tu veux. Frette de même, là. Frette comme ça, sans rien comme dire, ça, ouais. Aucun contenu, aucune pertinence, rien du tout, juste de la musique. Mais c'était pour nous sortir un autre slogan bizarre, là. Non, je vais pas me risquer, c'est okay, trop. C'est bon. Faut mettre un frein à ça. Mm-hmm. Mettons un frein au Mathieu Plante. Mm-hmm. Hein? Bon. Voici Mickey 3D. Oui, Mickey 3D avec la pièce Yula. Yula! Ma fiancée galactique. Ça, c'est son nom. Assemblage requis. Assez fou, 89.1. FM. Bah ouais. Je ne crois pas aux histoires de fantômes. Et je vois bien que tu n'es pas des nôtres. Mais d'où viens-tu, indicible Yula? Si tu m'acceptes dans ta galaxie, je te promets que je serai gentil. Je ferai tout pour que tu veuilles de moi. Après, je t'emmènerai sur la terre. On ira voir les morts qui font semblant de vivre. Dans le désert, tu me feras la guerre, un peu comme dans un film de Laurence d'Arabie ou Cécile B. 2000. Yula. J'aime bien tes yeux quand ils changent de couleur. Sentir sous la pluie ton odeur. J'aime bien le soir quand tu marches avec moi. Sur ma planète il y a beaucoup de tout, mais tout le monde a presque rien du tout. Et je vois bien que tu trouves ça relou. Allez, je t'emmène à la mer. Tu n'as pas ça chez toi. Tu fais moins la maline. Allonge-toi sur le sable, je vais te faire la guerre, un peu comme dans un film de Kurosawa ou de Catherine Breillat. Dal savana, do sopico, do sopico tu. Ye nintumpo, Inuna vovô, tis vovô, tis vovô. Zazakeri marari. Si, zazakeri marari. Tis vovô. Zamanolo tokafali. Jusqu'à 17h. Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Gregory Pepper and His Problems avec la pièce I Was a John. C'est un extrait du palmarès anglophone, ça. Ouais, on adore cette pièce-là, comme tout ce qu'on fait jouer, finalement. Mm-hmm. Ici, c'est un peu l'idée. On se connaît pas quoi. En tout cas, c'est ce que tu dis régulièrement, là, donc j'imagine que ça doit être vrai. On va continuer en musique pour terminer l'heure, Mathieu, avec un artiste qui s'appelle Shampoing. C'est un nouvel album qui vient juste d'être lancé et qu'on a reçu cette semaine, je pense. En tout cas, c'est tout nouveau dans la discothèque, c'est tout chaud. Mais tu l'écoutes un petit peu. La discothèque de C'est fou. Oui, j'ai écouté un petit peu, puis en fait, le visage de Shampoing sur la pochette me disait quelque chose. Et puis en fait, je l'ai déjà rencontré, il est déjà venu ici dans les studios de C'est bon, fou. Bon, monsieur Name Dropper, je connais des vedettes. Arrête. Tu connais le groupe Jean-Philippe? Oui. On en a joué ici pas Absolument. Mal du groupe Jean-Philippe. Bon, c'est un des membres du groupe Jean-Philippe et c'est aussi le guitariste de Pomerleau. Tu connais l'artiste Pomerleau? Ouais, ben Jean-Philippe, c'est celui qui chantait Je veux prendre mon char. Exactement. Hein? Et puis Pomerleau, ben c'était entre autres Casa Voyageur. Puis... Voilà, donc Pomerleau, je l'avais reçu en entrevue, en prestation ici même où je suis assis présentement. Dans ta chaise, celle-là? Puis, il va falloir la garder et la mettre de côté. Et puis Shampoing, là, qui est l'artiste qu'on va entendre, c'était son guitariste. Donc il avait joué les deux ici ensemble. D'ailleurs, c'est une performance live qui est disponible en balado-diffusion sur le www.cfou. Arrête-moi ça, toi, les coïncidences, c'est incroyable. Incroyable. Et puis, c'est ça, donc, c'est son premier album, Shampoing, premier album solo, mais il a participé à plein de trucs, là. Donc, Jean-Philippe, il a été musicien pour Pomerleau. Et puis, il fait aussi partie du groupe de musiciens qui ont parti l'étiquette Bunker d'Auteuil, qui est une jeune étiquette de disques de Québec, de la ville de Québec. Puis, qui ont de plus en plus d'artistes intéressants, qui produisent des albums, mais aussi beaucoup d'événements. On produit, entre autres, là, des événements, des lancements ou des spectacles pour, entre autres, Émile Prou, Tristan Malavoie, Patrick Sénécal. Donc, vraiment, plein, pas juste de la musique, là, ils produisent plein d'événements, puis des albums aussi, dont celui de Jean-Philippe et celui de Shampoing qu'on va entendre. C'est une belle entreprise, une jeune entreprise, Bunker de l'Auteuil. Et c'est eux qui nous envoient cet album de Shampoing. On va écouter la pièce Bazoulove de Shampoing. Et je dois pas être le premier à dire que ça fait très bien le mot Shampoing avec la coiffure sa chevelure. Gars. C'est tout soyeux. Chevelure de feu. Comme toi, ça. C'est rough un peu, par contre. C'est un peu poil de poche. Plus laineux. C'était pas chic, ça. Pas vraiment. C'est pas vrai non plus. En je pense que tu devrais t'excuser, là, Mathieu. Je m'excuse publiquement et c'était pas vrai. Parce que je pense que tu dépasses les limites des fois. Là. Vraiment, là, je vais beaucoup trop loin. Là, là, wow. C'est vraiment dîner de con que m'a mis à faire. T'as pris des mauvais pis, je trouve. J'ai vraiment pris des mauvaises blagues d'André. Je me sens comme ton vieux changement de ville. Je suis surchargé, tout train. Puis ce ménage, t'es pas trop. C'était Shampoing avec la pièce Bazoulov. Ça me fait penser un peu au Dale Howard Chuck et Ben de Garage. Ouais. Pour tout, ouais. Ouais, ben oui. Non, c'est vrai. Puis dans la deuxième heure, on va entendre Revitalisant pour faire la fin du cycle et ben oui, répéter si nécessaire. On est des petits gars propres. On est des propres ici. On n'est pas des sales. C'est la fin de la première heure d'Assemblage requis. Dans la deuxième heure, il y a François Landry. Oui, et Sébastien Dulude qui vont être de passage à l'émission. Oh, comme c'était très officiel tout ça. Ils seront de passage ici seulement. Assemblage requis, restez là. Restez là. C'est fou, 89.1. La bonne musique en tout temps! Il est méchant, le vigile de la COP! Le vigile de la COP est méchant! Ça, bon, on est toujours à Assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées. Est-ce que je parle trop fort, Kiwan, pour toi? Est-ce que tu veux que je baisse le volume? Non, c'est juste que crie pas, là. Ça va être correct. Ok, c'est bien que je m'emporte un peu, là. Hein, bon. Disons que je me retiens. Puis c'est la deuxième heure d'Assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées, Kiwan, Mathieu. Plus tard, il va y avoir. T'es toujours très enthousiaste, toi, quand on commence la deuxième heure. Tout ça, des fois, t'as tendance c'est à. C'est le meilleur moment de l'émission, là. C'est vraiment là que les choses se passent. Ben, c'est sûr que quand François, en plus, quand François Landry fait son entrée dans le studio. Tout le monde fait la vague en même temps. Toujours un petit hype. Un petit hype, c'est bien dit. Un petit Monster Energy ou d'autres sortes de drinks comme ça. Bref, la deuxième heure commence avec un petit peu de... On pourrait pas dire... Est-ce que c'est du funk ou est-ce que c'est pas du funk? C'est comme... Ben moi, je vois pas pourquoi ça serait pas du funk puisque la pièce s'appelle Toon Funk. Là, on s'assinait un peu sur la définition du funk, là, mais bon, moi, je dis, du moment que la pièce s'appelle Toon Funk, il y a pas de question à se poser. Donc, on va l'écouter. Voici Névropop. C'est le groupe derrière. Névropop et la toune, entre guillemets, funk. Ouais, t'as tranché, finalement, c'est pas du funk. C'est ça, j'ai tranché la banane en deux et je dis que c'est pas du funk. Tu sais, moi, je sais pas, l'autotune, c'est bien, mais ça me fait toujours, ça me rappelle tout le temps des mauvais souvenirs. C'est vraiment clair comme image. Ouais. Ouais. Vous êtes comme dans mon imagination. C'est ça que ça me fait penser, donc des fois, c'est pas convaincu de ça. Bref, juste pour dire deux mots sur Névropop qui dont Cher ne fait pas partie d'ailleurs. Non. C'est un groupe qui s'était formé pendant leur programme de musique au Cégep à Drummondville, puis ça avait arrêté, ça n'a pas duré longtemps, l'espace d'un petit EP comme ça. Puis cette année, ils ont décidé de revenir ensemble, de refaire d'autres pièces, donc allez sur leur MySpace, là, si vous avez aimé ce que vous avez entendu. Nevropop, myspace.com/nevropop, puis c'est ça, des nouvelles pièces. Là, ils ont reparti la patente. Une très belle banane aussi, burinée, comme on disait. Ouais, leur fond d'écran là, sur MySpace, c'est assez hot. C'est convaincant, j'aime ça. Quoi? C'est ça. C'est ça. Je pense qu'on va juste accueillir François Landry pour sa chronique politique. Levez-vous debout pour l'honorable François Landry. Le début est solennel. Bonjour. Royal. Bonjour François. Bonjour Mathieu. Bonjour Kéwan. Salut. Ça va? Oui, très bien, merci. Ouais, on parle de choses touchées un peu. Ouais, assez délicate. Délicate, c'est le mot. Oui, voilà. Donc, la chronique s'intitule « Les candidats qui flirtent avec la justice ». Un beau titre. Ouais. C'est punché, hein? C'est punché. Il faut demeurer attentif parce que c'est quand même assez délicat, ces sujets-là. Surtout qu'ils vont devoir nous représenter s'ils sont élus. Donc, à la mairie, à l'Assemblée nationale, à la Chambre des communes, ce sont des gens à qui nous donnons notre confiance, nous donnons un salaire, nous donnons nos taxes, nos impôts, ni plus ni moins, à ces gens-là pendant les 4 prochaines années. Mais il y en a qui, je sais pas s'ils sont juste caves ou c'est un accident de parcours, mais ils flirtent avec la justice. J'ai ressorti 3 cas. Ils sont sortis les 3 cas en l'espace d'une semaine. Juste pour vous montrer à quel point, oui, les journalistes font très bien leur travail d'enquête, à savoir, lui est-il un candidat propre ou non. Ils doivent-tu être heureux, les journalistes, quand ils trouvent quelque chose comme ça? Hein? Ah, c'est... Ils doivent faire « Yes! » Est-ce que je le publie? Oh oui, je le publie. Ah, ah ouais, ça va être bon, ça, pour mon tirage. Mais oui, 3 cas en fin de semaine. Le premier, quelqu'un de Trois-Rivières, donc du district de Chavigny. Ça, c'est dans l'ouest de la ville, proche de la polyvalente Chavigny. Le conseiller actuel qui se représente pour un troisième mandat, donc ça fait déjà 8 ans qu'il est en place, Claude Lacroix, a été arrêté par la Sûreté du Québec mardi matin. Pourquoi? Un mandat d'arrestation pour harcèlement et menace. Oh, c'est pas rien, ça, là. C'est pas rien, ça. Il peut s'en tirer avec une bonne amende, un petit casier judiciaire, pas de prison, puisqu'on fait pas de prison pour du harcèlement, tout dépendamment à quel type de harcèlement. Ouais, c'est ça. Donc, les événements survenus seraient survenus cet été et au printemps 2009. Donc, c'est très récent. C'est pas un ancien dossier. Il y a pas 17 ans, c'était pas ça, jeune. Il a fumé du pot à 17 ans. Il y a des tickets de vitesse. C'est ça. Non, non, non. C'est pas un squelette sorti du placard, là. C'est d'actualité. C'est d'actualité. Il n'y a pas de mots pour dire que c'est tout frais. Donc, ce type-là se représente pour un troisième mandat. Il dit « Ça ne me dérange pas que j'ai été arrêté par la SQ. » il a été relâché sous promesse de comparaître devant un juge prochainement. Mais il dit « J'ai fait ça en tant que citoyen, non pas en tant qu'élu. » Ben oui, hein, si on l'entend, ça. Ben oui. Parce que si tu commets un crime entre, tu sais, 5h30 le soir puis 7h30 le lendemain matin, c'est correct. C'est ça. Je t'ai pas sur mon travail, je t'ai pas payé, j'ai écœuré mon voisin. Je suis innocent, dans le fond. Oui. Ça, c'est une excuse qui peut passer pour certains types d'infractions. Là, l'alcool au volant ou des choses comme ça. Tu dis, ça n'a pas rapport avec ses qualités de gestionnaire. C'est un party de famille, j'ai bu un peu trop. Sauf que, tu sais, à du harcèlement. Il pourrait facilement harceler quelqu'un dans son cabinet ou quelqu'un qui gère là, avec l'argent des contribuables. Voilà. Ça serait à voir, tout dépendamment de ce qui va ressortir dans l'enquête. On connaît pas les détails encore. Ouais, non, c'est ça, tout frais, c'est mardi matin. Ouais. Là, écoute. Un autre que là, c'est vraiment... Écoute, le candidat à la mairie, ni plus ni moins, là, à la mairie de Latuc, arrêté encore là par la police pour avoir kidnappé sa fille. Ouais. Là, je m'excuse, mais... OK, c'est peut-être, si on rentre dans les détails, c'est parce qu'il est divorcé de sa femme, ils ont la garde partagée. Ouais. Il aurait contrevenu à la garde de sa fille. Donc, la mère qui a le droit à sa fille pendant telle semaine, lui a dit non, je la garde chez nous. Mais on appelle ça un kidnapping. Le mot est un peu fort pour moi. C'est un peu fort, mais moins de 18 ans, l'enfant, c'est le parent qui est responsable, donc il l'a kidnappé. Il l'a pas amené en Alaska non plus, puis il l'a pas séquestré dans un sous-sol. Là. Non, mais il a contrevenu à la loi. C'est pas la première fois. Mais je pense que ça, c'est un petit peu pardonnable. Ouais, encore là, tu connais pas la justice et tous les détails, on les connaît pas. Donc, on verra bien. C'est facile de juger quand on est public comme ça. C'est facile de dire, lui, je suis pas si pire que ça. C'est facile. Mais c'est facile aussi de vouloir faire mal paraître quelqu'un. Ouais. Tu sais, s'il s'entend pas bien avec son ex-femme, mettons, puis que, je sais pas, elle veut justement nuire à sa campagne. Oui, c'est un nouveliste, puis c'est facile. C'est facile à faire. Là. Ouais. Voilà. Mais le problème, c'est que cette accusation est criminelle. Donc, le DGE, le directeur général des élections, va se pencher là-dessus à savoir s'il l'exclut ou non. On se rappelle. S'il a le droit de participer à la course électorale. Voilà, ça? S'il doit se désister ou non. Donc, ça devient plus grave. Et s'il est reconnu coupable, il y a un dossier criminel, donc il est passé de faire de la prison. Donc là, ça devient beaucoup plus touché pour ce candidat de là-dessus que Jean-Paul Tremblay. Le dernier que j'ai ressorti, j'ai deux cas de lui. Un pour le simple plaisir de le rappeler aux auditeurs. L'autre qui est arrivé récemment encore. Mais la même personne. La même personne, oui. Pas deux casiers judiciaires. En tout cas, vous jugerez. Est-ce qu'on a le droit de choisir par laquelle tu commences? Non, vas-y. Non, je vais commencer par la plus récente. Yves Lévesque, le maire actuel de Trois-Rivières. Le Yves Lévesque, donc candidat qui se représente à la mairie. C'est pas lui. Faut le pardonner, c'est pas lui. C'est son fils. C'est son fils qui conduisait l'auto officielle de la ville. Tagué avec Ville de Trois-Rivières 375. Non, peut-être pas tagué, mais l'auto prêté par la ville au maire parce qu'il fait beaucoup de millage. Et bon, c'est un privilège que les maires ont d'avoir une voiture aux frais des contribuables. Mais ce fils-là a eu un accident avec la voiture. Quel genre d'accident? 15 000 piastres de dommages. Ouf! C'est pas lui qui lisait le journal, genre? Non. Il aurait ça, c'était Yves Lévesque en tant que tel, c'était lui-même, ça. Hein, c'est ça? C'était Yves Lévesque, il me semble. Ouais. C'était cet été, ça? On va revenir. Ouais, okay. Donc, son fils, qui aurait été distrait par X raisons, aurait embouti une voiture stationnée légalement. Donc, une voiture dans la rue. Puis donc, bang, il n'a pas tué quelqu'un, il a juste causé des dommages. Il a juste rentré dedans, mais le 15 000 piastres, les assureurs l'ont réclamé. Et c'est la ville qui va effacer la dette. Donc, nous. Donc, à nous trois, ici, on paye 5 000 piastres chaque là, pour la voiture du maire. Tu t'es emprunté 5 000, Kiwan? Je suis un petit peu serré. C'est ça. Puis le maire se défend, il dit « Mon fils a le droit, parce que dans la politique d'emprunt de l'auto, c'est pas marqué qui doit chauffer le char. » Ah, il devrait y avoir, il me semble, des règles là-dedans. Si on le prête au maire. Même au club vidéo, tu sais, c'est toi puis une personne. Là, on devrait avoir ça pour le maire, ça serait bien. Mais là où ce que vous voulez revenir, c'est le 27 novembre 2007. Où le maire Lévesque lisait un document en conduisant à Sherbrooke et puis leur rentrer non pas dans un, non pas dans deux, mais dans plusieurs poteaux de signalisation. Donc, au sortir d'une autoroute à Sherbrooke. OK avec des poteaux. Oui, il essayait de faire un abat sûrement. Donc, cette fois-là, le maire, la ville de Sherbrooke l'a pris très au sérieux. Il y avait une petite guerre à Sherbrooke, une petite guerre de clochers. Mon père est plus fort que le tien. Là. Mm-hmm. Donc, il y avait une guerre entre le maire Perrault et le maire Lévesque à cette époque-là. Je pense que c'était pour les Jeux du Québec ou quelque chose du genre. Puis le maire a dit, les poteaux ont coûté 180$. On va envoyer une facture de 180$. Ça coûte juste ça? C'est pas cher? Ben, 3, 4, 5 poteaux peut-être. 20$ chaque, mettons. Mais là, c'était pas des poteaux de téléphone non plus. Non, c'est des poteaux de... Ah, de pancartes. Des pancartes. Ah. Tu veux qu'on aime arracher. Là. C'est rien, ça. Donc, il a envoyé une facture de 180$ à Trois-Rivières. La ville a dit, oui, on va payer. Sauf que là, l'auto est à scrap. Il a fallu la faire remorquer. Donc, ça coûtait en tout et partout 6 000$. Encore là, c'est nous trois ici dans le studio qui avons payé pour, encore une fois, réparer le char du maire. C'est beau. Ouais, bon. Ben, bravo. Bravo. On pourrait acheter un scooter, ça nous coûterait moins cher à la gang que de payer pour ces accidents. Un vélo à trois roues, comme ça, tu t'assures qu'il va tout le temps être stable. Voilà. Donc, ça fait le tour pour l'instant. Je pourrais en ressortir plein d'autres à Québec, comme Jeff Plante, on s'en souvient, avait traité les femmes de moins que rien, puis il se présentait, il s'est fait exclure, patati patata. Jeff Fillion à Québec se présente contre le maire Labeaume, qui lui a été reconnu coupable d'avoir fait du harcèlement live à la radio envers une certaine Sophie Chiasson. On se souvient de l'histoire. Oui, oui, oui. Donc, c'est plein de candidats de même déterrés. Oui, pendant la campagne provinciale, la dernière campagne provinciale, le député qui a été élu, en fait, dans le comté de Drummond, qui avait pété une balloune pendant les. Oui, celui qui est campagne. Là présentement, qui représente le dossier sur l'aide financière aux études à Québec, ben, il a été reconnu pas. Oui, il était dans son char, le moteur marchait. Il conduisait pas. Lui, il disait je conduisais pas. Mon char était juste en train de réchauffer. Ben, on s'entend que si t'as un passeport pis des billets d'avion qui marquent France, t'es à l'aéroport, tu t'en vas pas au Texas, là, t'sais, tu t'en vas comment en France? Fait que là-dessus aussi, faut soit en rire ou dire c'est carrément. Ouais, c'est ça. En même temps, il y a des infractions comme ça qui sont plus drôles, là, qui vont pas vraiment nuire à la qualité de gestionnaire. Puis Tu n'es pas non plus tant à l'intégrité de la personne. Non, là. Mais ça fait juste poser la question à savoir est-ce que cette personne-là a le droit à mon respect s'il me dit qu'il faut respecter la loi alors que lui-même, sur la bande, ne le fait pas. Il y a aussi des choses qui sont découvertes par, disons, des journalistes, mais tu sais, c'est une petite partie, c'est peut-être juste la pointe de l'iceberg. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils nous révèlent pas. Ils peuvent cacher d'autres crimes ou d'autres délits qu'ils ont fait à un moment donné. C'est ce qui est intéressant de découvrir avec le temps, de talonner un dossier précis. Mais quand il va être élu, ça va être le moment de découvrir que tu es quelqu'un. On verra. C'est sûr qu'en même temps, c'est mieux, comme tu dis, de se passer pendant la campagne qu'après. Voilà, on est mieux de le savoir. Donc, à la limite, notre choix va être plus éclairé quand on va voter. Voilà, en parlant de choix éclairé, Mathieu, tu m'ouvres une très belle porte. 22 octobre prochain, sur le campus, débat électoral entre les deux candidats à la mairie de Trois-Rivières. Dont une chaise. André Carr contre la chaise. Parce qu'Yves Lévesque a refusé de participer au débat étudiant. Il participe à aucun débat ou juste... À un seul débat, celui de Robert Pilote, ancien animateur d'une autre station concurrente de C'est fou. Qui a même plus d'émission. Qui s'est fait mettre dehors. C'est ça. Donc, il participe seulement à ce gala-là. Il va être diffusé où, ce gala-là? À la télé communautaire? Je sais même pas. Cogeco, je pense, mais... Bon, on verra bien. Donc, oui, le 22 octobre à 10h, Chasse-Galerie, débat électoral entre une chaise et André Carle. La chaise devrait... La chaise a de la gueule. Elle connaît ses dossiers et est solide sur ses pattes. Faut pas oublier ça. Elle est bonne sur tous les dossiers. Dossiers de chaise. Voilà. Ouais, c'est parce que François avait déjà fait une blague de dossier et de chaise. Je suis en train de passer ma pièce. Je vais en trouver une autre, j'en ai pas d'autre. Écoute-toi en rediffusion à soir. Il y a des bons petits feutres en dessous des pieds. Des petits feutres de chaise. Pas que ça fasse de bruit quand ça glisse. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que ça va faire. Merci beaucoup, François Landry. Ça fait plaisir. À la prochaine. C'est les lundis et les mercredis. Toujours dans l'Assemblage Requis, la chronique politique. On parlait de char dans la chronique. Mm-hmm. Je trouve que le lien est bon pour aller passer Jean-Philippe avec elle. Je veux prendre mon char. En plus qu'on en a parlé tantôt, Jean-Philippe. C'est comme si c'était fait pour. Synergie. On a de la bonne huile sur nos roulettes. WD-40, non? Une joke de WD-40, ça marche jamais vraiment. Kiwan et Mathieu. Assemblage requis. Do you feel it all the time? When she preys upon your mind, she's a fiend for your love, that's all. Body shaking all the time, the way we feel that old red wine. It's a squeeze and you feel it. Living another day in someone else's fantasy makes it all harder than it was before. Though you've changed over time, c'est Marching Through Your Head à Assemblage Requis. Restez là. Oui, parce que de l'autre côté de la pause, on reçoit Sébastien Dulude. Et c'est Sortie culturelle alternative. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Ces écouteurs. Des écouteurs. 89. Jusqu'à 17h. Assemblage Requis. Kiwan, Mathieu, sur C'est fou. 89.1. Baby, darling, doll face, honey. Blood of Skulls et Fires. La position numéro 4 du palmarès anglophone de C'est fou cette semaine. Palmarès que vous pouvez entendre tous les vendredis soirs entre 17h et 20h avec Mathieu Plante. C'est moi. Je le dis, c'est moi. Vous êtes à Assemblage requis jusqu'à 17h avec Kiwan et Mathieu. Maintenant, on accueille Sébastien Dulude et sa chronique de sortie culturelle alternative. Va voir ailleurs si j'y suis. Sébastien. Hola, camarade. Comment ça va? Ah, quelle chaleur. Ça va bien, toi? Ah, quelle chaleur dans le studio. Ah ouais. Oui, ça chaud. Va bien. Ça va bien. Cette semaine, comme sortie culturelle, je vous propose de ne pas sortir. OK, restez en dedans. Ou si peu, enfin. C'est une fin de rentrée. Là, on le sent. Là, à Trois-Rivières, il y a beaucoup moins de choses. Il y a toujours des spectacles ici et là, mais pour vraiment dire là, qu'on a un événement d'avance, là, que les journaux ne parleront pas ou quelque chose. Il y a beaucoup d'organismes là, qui en profitent pour rempacter leurs choses, faire des bilans. En même temps, le festival de la poésie vient de se terminer. Tout donc, là, c'est comme le creux après. Il y a un creux après ça aussi. Il y a une période parce qu'il y a beaucoup de demandes de bourses, d'échéances pour toutes sortes d'organismes, le Conseil des arts et lettres, par exemple, où les échéances sont en novembre, fin octobre, des choses comme ça. Donc, c'est le temps de rapper son année et de suggérer des projets ou de se faire récompenser pour des bons projets cette année. Donc, c'est une raison pourquoi il y a une rentrée et ensuite de ça, il y a réellement un creux jusqu'au temps des fêtes côté activité. Par contre, c'est important de mentionner et je pense que C'est fou va diffuser l'information amplement. C'est un partenaire cette année. On est bien fiers d'amorcer ce partenariat-là. On en parlera amplement, mais je sais que d'ailleurs, à l'émission ici, il y aura un représentant de l'impro musical Trois-Rivières qui viendra faire son topo. Éric Granger. Éric Granger, oui, qui est le scripteur des matchs, l'arbitre de ces matchs-là, viendra tous les jeudis de match parce qu'il y a un match par mois à la Chasse-Galerie, troisième jeudi de chaque mois. Donc, ça commence demain, 15 octobre. C'est le premier match de cette cinquième saison, porté à bout de bras par une équipe compétente et dynamique et enthousiaste. Mais c'est belle. Quelle belle formule, l'impro musicale. Ouais. C'est un concept d'impro théâtrale. On a un thème, un style, des contraintes, une durée, on a 30 secondes pour réfléchir à ça. Et là, ce sont des bandes qui jouent, inventent des tunes. Avec ces contraintes-là. Et des fois, les résultats sont complètement... À chaque match, il y a des moments impossibles, incroyables. Donc, c'est à la Chasse-Galerie, troisième jeudi de chaque mois, 15 octobre, le premier match, demain à 21h. C'est toujours gratuit à la Chasse-Galerie, à moins que je ne m'abuse. Je ne m'abuse pas. L'autre chose, je disais, de pas trop sortir, c'est... en fait, ce que j'aimerais parler, c'est un autre espèce de truc culturel, mais dont on parle pas beaucoup, c'est les prix littéraires. Il y a un prix littéraire important qui a été annoncé aujourd'hui. En fait, les finalistes au prix du gouverneur général du Canada ont été dévoilés. Donc là, chez les éditeurs présentement, c'est le wouhou total. Les résultats seront annoncés, je pense, le 17 novembre, donc dans à peu près un mois. Et on a des gagnants dans plusieurs catégories. À propos des prix du gouverneur général, un petit peu d'histoire. Mmh. C'est le prix littéraire le plus important au Canada. C'est très fédéral. Mais c'est pas un prix qui a eu, comment je pourrais dire, un prix aseptisé où tout est beau et il faut parler de le beau Canada et tout ça. C'est pas patriotique, là, comme prix. Non, pas nécessairement. Évidemment, ça récompense des œuvres de littérature canadienne. Donc, ça doit venir d'ici ou en tout cas avoir émigré ici ou être d'origine ici et produire ailleurs, ce qui m'agace un petit peu. Okay. On en reparlera tantôt. Il y a une nomination que je trouve plus étrange à ce niveau-là. Mais enfin, donc, ça doit être des œuvres de littérature canadienne dans sept catégories. Romans et nouvelles, études et essais littéraires, poésie, théâtre, littérature jeunesse pour le texte, littérature jeunesse pour les illustrations et traduction également. C'est intéressant. Les bourses sont de 25 000 $. Le prix existe depuis 1936 et on a commencé à donner une bourse aux auteurs seulement qu'en 1951. Avant, c'était seulement l'honneur et la reconnaissance. Oui, exact. Et on peut imaginer que ça devait être assez honorifique, merci. Là. C'était vraiment un gouverneur général là, qui donnait ce prix-là et probablement ça distinguait dames. Il devait y avoir un beau gala ou un banquet. Et donc, en 1951, on a commencé à verser 250 $. Et après, en 1990, en 2007, c'était le 50e anniversaire du prix tel qu'il existe maintenant, même si ça existait depuis exactement 1936. Il y a un 50e anniversaire en 2007 où la bourse est passée à 25 000 $. Pas de 250 à 25, par contre. Non, j'espère qu'il y a eu des étapes. Oui, il y a une inflation progressive. Donc, 25 000 $ pour chaque gagnant. Chaque lauréat se voit recevoir également un exemplaire de son livre spécialement relié. Donc, ça doit être très joli. J'aimerais beaucoup en voir un. Imaginez. Et puis, 3 000 $ pour l'éditeur, pour les activités promotionnelles. Entre autres, vous voyez l'espèce de collant doré avec GG, les initiales GG, sur beaucoup de bouquins en librairie durant l'année. Ce sont les gagnants du gouverneur général. Donc, j'imagine comme éditeur, tu reçois un rouleau de ces petits collants-là que tu peux mettre sur tes ouvrages. Et puis, chaque finaliste non lauréat reçoit quand même 1000 $ pour souligner son accession au rang des finalistes. Donc, la valeur totale des prix, 450 000 $. Donne une photo de la reine aussi, je pense. Non? Pas de photo de la reine. Ou de la gouverneure générale, Michael Jean. Ah oui. Quand même plus cute. Quand même pas mal, ouais. Au moins, elle lit français. Alors... Est-ce qu'on sait sur quoi on se base pour choisir le gagnant? Est-ce que c'est un jury? Est-ce que c'est simplement... Oui, tout à fait. C'est un jury d'écrivains, de critiques ou de professionnels du secteur du livre. OK. C'est pas simplement le choix de la gouverneure. Non, en fait, non. Okay. Il faudrait pas. Ça c'est symbolique. Là. C'est juste le nom qui est appliqué tout à ça. Tout à fait. Ou également d'où les fonds proviennent. Et c'est strictement en fonction de la qualité littéraire et artistique des ouvrages. L'année passée, en poésie, il y a eu un auteur de Trois-Rivières qui était en nomination, Steve Auger, pour son premier recueil officiel avec un éditeur reconnu. Il avait fait plusieurs petites publications par-ci, par-là avant. Et Auger est un jeune écrivain. Son recueil, Le rosier incendiaire, est pas mal du tout. C'est publié au Sabord, à Trois-Rivières. Et il est arrivé dans les cinq finalistes, qui est fameux. Et par contre, le prix avait été remis finalement à Michel Plot, un auteur de Québec. Et là, ça avait vraiment pas fait l'unanimité, compte tenu qu'il y avait également Roger Desroches dans la même catégorie, qui a écrit un recueil de poésie, un classique instantané. Là, il y a de ces ouvrages qui se reconnaissent comme ça, qui sont majeurs. Et bon, ça avait fait réagir, ça avait même fait se faire créer un prix parallèle qui était remis, je ne sais plus par quel groupe, peut-être au Salon du livre de Montréal. On a remis à Roger Desroches le premier prix pour les oubliés de la critique. Là. Bon, c'est un petit peu... Un genre de off gouverneur général. J'aime ça. J'aime ça. Un off Michael. Ah! Michael Jean. Mais quoi qu'il en soit, c'est Michael Plot fait quand même de la belle poésie. Mais comparativement au recueil de Desroches, c'est certain qu'à ce niveau-là, il y avait probablement un problème au niveau du jury là, si on n'a pas reconnu la valeur. Donc, favoritisme peut-être, on ne sait pas, mais en même temps, c'est un jury, donc c'est très subjectif. Là. Oui, écoutez, j'ai fait certaines expériences de jury qui sont parfois vraiment surprenantes. Et on doit être cinq, et on doit avoir tout un processus, ou cinq ou même plus nombreux que ça, un espèce de processus de tri, des négociations. Parfois, il arrive des trucs incongrus. Finaliste, cette année, je ne prends pas toutes les catégories, celles les plus intéressantes peut-être, romans et nouvelles, ça c'est incontournable. Donc, cinq nominés. Jean-François Beauchemin pour son roman « Cette année s'envole ma jeunesse », c'est chez Québec-Amérique. C'est important aussi de mentionner les éditeurs, parce que c'est vraiment, il y a des années où les éditeurs ont plus d'un nominé dans la même catégorie, donc ça peut être intéressant. Donc, Jean-François Beauchemin, c'est un romancier assez connu. Nadine Bismuth, qui fait de la littérature quand même assez cool, pas loin de l'autofiction. Ça s'appelle « Êtes-vous marié à un psychopathe? » et c'est chez Boréal. Toujours été chez Boréal, Nadine Bismuth. Dominique Fortier, Dominique au féminin, Du bon usage des étoiles chez Alto, une belle maison d'édition, un roman qui apparemment était très bon. Moi, je suis pas un grand lecteur de romans québécois contemporains, on n'a pas le temps de faire tout dans la vie, mais chez Alto, il s'est passé des bons trucs. Le plus célèbre des romans d'Alto, c'est il y a 3 ans, je crois, ou 4 ans, Nikolski de Nicolas Dickner. Ensuite, ça a publié récemment, je pense, un roman, voilà, tout simplement, qui s'appelait Tarmac. Ensuite de ça, je parlais d'une nomination un peu étrange. Julie Mazieri, elle est en France. Elle est originaire du Québec. OK. Et là, ensuite de ça, elle publie son roman Le discours sur la tombe de l'idiot chez les éditions José Corti, qui sont vraiment un éditeur français, distribué mondialement. OK. Donc, les livres sont distribués au Québec quand même. Oui, au Québec, diffusion d'immédiat, mais cette Madame Mazieri, elle est originaire du Québec, mais c'est en France qu'elle publie ce roman-là, et c'est là où elle fait sa vie littéraire également. Donc, c'est de la littérature canadienne? Apparemment, oui. Et enfin, Aki Shimakazi, de Montréal, est en nomination avec son livre Zakuro, chez Actes Sud, l'EMEAC, donc sur la littérature migrante, donc qui s'installe immigrante. On parle aussi de littérature migrante dans le cas. C'est qui s'en va ailleurs. Oui, qui bouge dans les déplacements de culture. Donc, souvent, c'est des thématiques. Dany Laferrière ferait partie de la littérature migrante. Donc, l'Haïti au Québec via les voyages. En plus, il tripe sur le Japon. Donc, ça fait. Souvent, on appelle ça aussi des littératures de l'exil. J'ai aucun problème à ce que, évidemment, quelqu'un d'une origine autre que québécoise ou canadienne s'installe ici et fasse sa vie littéraire ici, à ce qu'on reconnaisse que ce soit de la littérature d'ici. C'est ça, c'est plus l'important. Il me semble que c'est la place où le métier se pratique. Il me semble aussi au niveau des éditeurs qui font le travail de promotion, de diffusion de ces livres-là. José Corti, c'est quand même majeur, là, c'est un éditeur mondial, quoi, de la francophonie. Donc voilà les cinq finalistes pour Romans et Nouvelles. En poésie, c'est la catégorie qui m'intéresse toujours. Normand de Bellefeuille, un excellent titre qui s'appelle « Mon nom » aux éditions du Norrois. Donc Normand de Bellefeuille, c'est aussi un anarchiste, celui qui a publié le petit guide d'autodéfense de l'intellectuel, je pense, de mémoire comme ça. C'est un critique d'art, critique littéraire, un essayiste, et là, il va en poésie. Donc c'est vraiment un immense intellectuel, Normand de Bellefeuille, c'est le genre de monsieur machine, on en voit des fois, une fois de temps en temps, comme ça, des gens qui fournissent incomparablement et très doué dans toutes les sphères d'activité. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait ni dit, mais le recueil est franchement très bon. Également, deux nominations des Herbes Rouges, une maison d'édition de poésie très prestigieuse au Québec. René Lapierre et son traité de physique. Ça, c'est pas de la poésie facile. C'est une, ça oscille entre le vers, des espèces de textes théâtraux là, qui entrecoupent tout ça, ces textes en vers. Et c'est très... Il y a des personnages qui reviennent, mais on a de la difficulté à reconstituer ce qui se passe là-dedans, d'autant qu'un titre comme ça, traité de physique. Mais au bout du compte, on sent une espèce de préoccupation de mettre les choses en forme. C'est difficile à expliquer, mais on sent le projet, mais c'est comme au troisième, quatrième degré. Je ne conseille pas René Lapierre pour les débutants en littérature. Par contre, c'est de la très belle qualité. C'est également un enseignant à l'UQAM qui donne des cours d'approche de la création littéraire. Il a une méthode bien spéciale, bien à lui. Un grand monsieur. Je suis content de souligner sa présence dans les nominés. Et je disais donc deux nominations des Herbes Rouges. Il y a également André Roy, un autre sympathique monsieur, qui a fait sa carrière exclusivement aux Herbes Rouges, qui ont 40 ans cette année. Lui, c'est 32 recueils, je pense, tous aux Herbes Rouges. André Roy publie cette année « Les espions de Dieu ». C'est très bon. C'est, il s'intéresse à plusieurs figures d'auteurs, d'écrivains, mais aussi d'acteurs, d'artistes, même de gens activistes plutôt, comme Mayakovsky, des gens comme ça qui se sont soit suicidés ou été pris par la folie, c'est pas Jojo, mais essaie de faire des petits tableaux autour de ces personnes-là, donc des détails biographiques qui deviennent des prétextes à faire des poèmes. Il y a eu Huguette Gaulin et Claude Gauvreau parmi les Québécois qui sont... ça devient comme des sections de son recueil. Et Les espions de Dieu. Donc, on peut voir un peu les personnalités limites qui l'ont intéressé dans ce recueil-là. C'est pas facile non plus. Ça demande un peu d'érudition pour connaître les gens, mais au moins la moitié des gens qui donnent le titre au poème ou aux sections, là, c'est que je ne connaissais pas, surtout lorsqu'il est question d'écrivains d'Est européens. Là, moi, je suis moins au fait de ça. Par contre, pour André Roy, un prix du gouverneur général, ça viendrait vraiment donner une bonne tape dans le dos, ce monsieur-là, d'une production régulière et exemplaire. Il a fait un recueil qui s'appelle « L'accélérateur d'intensité », il y a quoi, une quinzaine d'années, qui est un classique, un ouvrage très important dans notre littérature. Enfin, Hélène Monette, également très douée, qui fait de la poésie urbaine assez rentre-dedans. « Théâtre pour joie et orchestre » chez Boréal. Pas beaucoup de poésie chez Boréal, donc on a... une double nomination, roman et poésie de ce côté-là. Hélène Monette et Philippe Moore chez Les Poètes de Brousse. Brouillon pour un siècle abstrait, le nom du recueil. Et je sais que Les Poètes de Brousse sont très contents de leur nominer. Philippe Moore, c'est un gars sérieux. Ils ont une esthétique, Les Poètes de Brousse, assez... prenons la brousse comme des ruelles du centre-ville de Montréal, très tard la nuit. Ça brasse, ils ont une esthétique... trash souvent, et c'est pas toujours les favoris de la critique. Évidemment, ils ont des choix éditoriaux qu'ils doivent assumer, là. On n'aime pas tout ce qu'un éditeur sort non plus. Mais disons pour une maison comme ça qui s'assume vraiment dans le côté sombre et direct de la poésie, quoi que ce soit moins ça pour Philippe Moore, mais comme réalisation d'éditeur pour Les Poètes de Brousse, on est bien content pour eux. Donc c'est un petit milieu de la poésie, vous voyez, on est capable d'en discuter, donner des histoires comme ça. C'est pas bien, bien non. Au niveau du théâtre, j'y vais un peu plus rapidement. Évelyne de La Chenelière, qui est partout en théâtre depuis 2-3 ans, depuis plus longtemps que ça, mais maintenant, systématiquement, vous prenez le cahier culture du devoir à chaque semaine. Il y a quelque chose sur Évelyne de La Chenelière, que je ne prononce jamais comme faux. Trop de syllabes. Donc, elle produit beaucoup, elle met en scène, elle est très douée, elle est magnifique quand elle parle, tout le monde fond. Et son, comment on appelle ça? On appelle ça une pièce de théâtre. Et ça s'appelle Les Pieds des Anges chez Leméac, qui est l'éditeur de théâtre par excellence au Québec. Ils ont à peu près toutes les nominations, là, dans leur cas, c'est évidemment, ils sont spécialisés en théâtre. François Godin aussi, chez Leméac, évidemment. Je suis d'un would-be pays. Également, Olivier Kermade. Ça te plaît, ça? Je suis d'un would-be. Non, mais je viens de comprendre la référence. Oui, ben, c'est ça, petit côté anglais. Ouais. Troisième nomination en théâtre, Olivier Kermade, l'Énéide. Ça a l'air sérieux. Lanzmann éditeur. Je pense que c'est un éditeur suisse, mais c'est un auteur de Montréal. Ensuite, Louis-Dominique Lavigne, la pièce Glouglou. Chez les éditeurs Dramaturges. Et enfin, Suzanne Lebeau avec Le bruit des eaux qui craquent, qui est apparemment extraordinaire. J'ai bien hâte, ça va sûrement être remanié d'une façon ou d'une autre à un moment donné, qu'on revoit ça. Peut-être que ça sera lié éventuellement, je vais regarder ça avec la danse, là, le bruit des eaux qui craquent. Et chez Le Méac. J'ai pas de coup de cœur en théâtre cette année, j'ai difficulté à faire des prévisions. J'ai pas dit qu'en poésie, je souhaitais très très fort que ce soit René Lapierre, quelque part pour contrebalancer l'effet de l'année passée avec une poésie comme un peu simplette. Là, d'aller dans du travail, que la poésie n'a pas besoin d'être simple et belle. Elle peut être ce qu'elle est, c'est-à-dire des gens qui réfléchissent sur le texte, qui créent des objets, et ça n'a pas besoin d'être facile à lire. C'est pas du roman. Mais je dirais aussi André Roy, j'ai un petit faible pour ce recueil-là, Les Espions de Dieu. Quoique, c'est peut-être pas son meilleur avis. Donc, tant qu'avoir un prix des gouverneurs généraux, que ce soit un recueil fort. Pourquoi pas? Et littérature jeunesse, peut-être, ça pourrait intéresser les gens. Au niveau du texte, Jocelyn Boisvert, l'ouvrage « Mort et déterré » chez Soulière. Hervé Bouchard à la Pastèque, ça, c'était bien, ça s'appelait Harvey ou Harvey. Hervé Bouchard est au Saguenay, vraiment actif, fait des choses vraiment surprenantes. Il vient de signer un livre sur le roi autoproclamé au Saguenay il y a quelques années, là, de Hans Saint-Jean, un type qui s'est pris pour un roi. Ah oui? Et Hervé Bouchard a fait sa espèce de chronique de tout ça, mais il en fait également, il voit ça comme une expérience d'art extrême. Mais je pense que franchement, le roi du Saguenay, il est carrément juste Barjot. C'est assez intéressant. Hervé Bouchard, Harvé et la Pastèque, c'est mon coup de cœur en littérature jeunesse. L'ouvrage est très, très beau. Ensuite, Pierre Chartier et Sylvie Rancourt, Simon et le chasseur de dragons, aux éditions de Duchu Sainte-Justine, qui publie la littérature jeunesse. Ah, c'est bien. Ensuite, Michel Le, La Framboise, La quête de chasse, tome 2, chez Mediapol. Ah, le tome 2 a d'ailleurs un nom, c'est Les Vents de Tamerlan. Ça a l'air d'être un petit peu du fantastique machin, là, post-Amos Dragon, peut-être? Oui, Harry Potter style. Mm-hmm. Et enfin, Mathieu Simard et Pavel, épisode 1, plus vivant que toutes les porn stars réunies aux éditions de la courte échelle. Mon Dieu, j'avais pas vu ça. Pour jeunes, ça, jeunesse. Mais ils ont des collections ados. OK, bon. Plus vivant que toutes les porn stars réunies, j'aime ça. Mm-hmm. C'est vrai qu'ils sont pas vivantes, hein, les porn stars. Ça avait été distribué, je pense, dans les couches-tards, hein, c'est... Je sais pas, c'est possible. Pour vrai. Ça me semble que oui. Ben là, il y a un nouveau truc de Marie Machin, là, qui s'appelle Rock, Glam, Rose et Glam, quelque chose comme ça. Puis ça a l'air d'être un feuilleton, okay. Mais c'est du roman pour ados en dépannage, qui est quand même pas une mauvaise idée. Ouais, ben je pense que Pavel de c'est pas Mathieu Simard, ouais. Pavel. Ouais, c'est Mathieu Simard. Okay, ouais. Je pense qu'il avait été fait comme ça, là, comme plusieurs petites parties là, que tu pouvais collectionner comme dans l'autre. Au génial. Départ, vraiment. Une slush en Red Bull, un roman. Exactement. Ouais, pourquoi pas? Ça ressemble un peu à ça. S'ils peuvent vendre ils vendent souvent de la mauvaise musique en dépanneur, tu sais. Il me semble que les livres, ben, ça pourrait être quelque chose de bon qui pourrait. Mais être. En mauvaise musique, définitivement, je vous conseille Jean Coutu. D'accord. Jean Coutu. Oh, okay. C'est noté. Ah, c'est à côté bon. De la caisse. Alors voilà, les traductions, tout ça, c'est un peu plus. Et tout, dire que tout ça, c'est cette catégorie-là. Il y en a 7 autres catégories en anglais aussi. Ah, OK. Donc, ça fait beaucoup de nominations. Okay. Alors, félicitations aux nominés, 1 000$ pour vous. Oui, chacun à 1 000$. Ouais, ouais, ouais, wow. C'est ça, c'est une grosse enveloppe, 450 000$ ouais. Pour la littérature au Canada. On dira ce qu'on voudra de l'État fédéral. Et les grands prix, c'est 25 000. Oui, 7 grands prix, 25 000 dans chaque langue. Et si on va savoir d'ici? C'est le 17 novembre, mais écoutez, je pourrais être plus précis que ça. Tout l'information avec les biographies, les images, les couvertures, tout ça, sur le site du Conseil des arts du Canada, canadacouncil.ca. Et au niveau des prix littéraires du gouverneur général, faudra chercher le 17 novembre de mémoire, parce que je suis sûr qu'il y a un site internet en même temps, puis bon. J'ai pas 4 yeux. MSN qui pop-up, non. Ouais. Également, on a tout le temps, vite comme vas-y, ça. Vas-y. Pour ceux qui ont envie de publier des textes, publier des photos, là, tu sais, bon, c'est bien, on est dans le partage informatique beaucoup depuis un bout de temps. Là, il y a un site qui est, je sais pas qu'est-ce que je vais en penser, donc je vais simplement dire que ça existe et vous verrez par vous-même. C'est lié aux Olympiques de Vancouver en 2010. On veut donner une image du Canada vue par ces gens. Le site s'appelle canadacode.vancouver2010.com. canadacode.vancouver2010.com. Faites canadacode dans Google, il sort en premier. Le lien va être sur assemblagerequis.com. Vos mots, vos photos, ce Canada. Oh. Et là, tu peux uploader tes photos, tes textes. Téléverser, je pense, en français. Téléverser, c'est ça qui est écrit en plus. Wow. Alors, téléversez-vous. Ah, je viens de voir Michael Jean apparaître sur la photo. Ah! Ça défile. Le paradis. Et le site est vraiment bébelle. Il est tout en flash, machin, mais... Delta plane. Tu peux mettre n'importe quoi, un texte, un souvenir, puis tu peux lancer des gens au défi, puis tu tagues ta proposition, puis ça permet... C'est une espèce de Twitter, mais pour donner une image du Canada, c'est très drôle, les questions qu'ils posent. Ils font des espèces de sondages aussi. Quel genre de pouvoir de super-héros voudriez-vous avoir? Fait que là, si les gens se reconnaissent plutôt parce que t'aimes l'invisibilité. C'est quoi le rapport avec le Canada? Ils vont aller voir tes textes. C'est une espèce de façon de ramifier, mais c'est très étrange. C'est très people. Ça, c'est quand des bureaucraties, dans des jeunes bureaux, tu dis, demande à un jeune stagiaire, hey, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour tout faire jeune, toi? Puis là, il dit, ah, un genre de Twitter canadien, un Canada Twitter. Ouais. Puis là, c'est pour aussi mettre les gens dans le spirit. Puis, ouais. Mais là, c'est très. C'est un peu familial. Et là, il y a entre autres le défi Code Canada. J'ai pas trop compris. Mais la question, c'est de quoi êtes-vous reconnaissant? Et là, tu écris ta réponse. Et là, tu peux voter pour les gens. Mais c'est presque tous des enfants, des photos d'enfants. Puis c'est un peu louche, tout ça. J'apprécie le Père Noël. Pourquoi? Puis là, il y a des défis là, que tu peux soumettre des trucs. Et puis, il y a des gens qui... tu peux mettre tes souvenirs. C'est très étrange comme fourre-tout, mais j'ai l'impression que quelqu'un voudrait s'amuser là-dedans. Pourrait s'amuser là-dedans, ouais. Mais sérieusement. Ouais. Donc, CanadaCode.vancouver 2010 pour ne pas sortir de chez soi. Que c'est beau. Voilà, c'est... j'en ai toujours trop, hein, mais ça me fait plaisir. Toujours intéressant, par contre. Hein? On va aller se taguer des photos, on va dire. Nos photos de caribou. Là, c'est ça. Faut lancer un défi aux gens. Uh-huh. Nommer ce caribou. Ah oui, il y a une autre catégorie aussi, c'est que sur les tags, combien d'énergie contient votre proposition? Là, c'est 1 à 10. 1, ce serait comme si vous parlez d'une plaine avec du vent. Chose de plat. Et 10, je pense 3, l'exemple qu'ils ont mis, c'est un ours polaire qui nage. Fait que là, moi, j'ai envoyé, en tout cas, j'ai mis quelque chose là-dessus, puis quel niveau d'énergie? J'ai mis 3. J'ai dit, c'est qui les 3 sur 10 dans la vie? T'sais, ils vont se reconnaître? Les petits oursons. Vas-y, je vais aller voir les 10 tantôt, voir c'est quoi. C'est intriguant, ça. Vraiment. Hein? À tout pour la démocratie. Merci beaucoup, Sébastien. Plaisir, au revoir. On va se retrouver mercredi prochain. On va être tagué Michael Jean, qui patauge dans de l'eau avec un ours sur une plaine. Ah, ça, c'est 6. C'est 6. Ah, je vois, c'est cheap un peu avec 6. Ben, c'est dangereux. Ouais, ça va. Ah, tous les talents, Michael Jean, finalement, il faut lui donner ça. Il nous reste encore quelques petites minutes à peine. On a le temps de se faufiler une pièce et puis revenir après. On va écouter tout de suite Human Highway avec l'album et la pièce Moody Motorcycle. On se la faufile. Ah ouais. Let's go. Je te mets au défi de te faufiler le CD. Trop loin? D'accord. De toute façon, là, je requis jusqu'à 17. Je préfère les MP3. Ouais. Ça fait comme absolument aucune sensation nulle part MP3. I had an easy alibi. Well, don't cry. I'm an animal. Keys in ignition underway. A kickstart, angry unraveling. Out of control, carelessly managing. Drove out to the city limit. Am I muted but still? Moody motorcycle. No one will ever find me here. Leaving my will. Moody motorcycle. Don't grow. Remain in the lane I travel in. Won't spin out of control again. City shrinks, carefully shedding skin. Drove out to the city limit. Am I mutable still? Moody motorcycle. No one will ever find me here. Leaving my will. Moody motorcycle. Human Highway, la pièce titre de leur album Moody Motorcycle. C'est un extrait des palmarès de 2008. Ici, assez fou, ça fait quand même assez longtemps, mais on aime encore ça parce que c'est toujours bon, de la bonne musique de même. Oui, c'est ça qui termine l'émission pour aujourd'hui, Mathieu. Oui, c'est la fin, on se quitte, la fin de notre journée. On va être de retour jeudi, demain, à 15h pour la dernière émission de la semaine. Oui, exactement. Il va y avoir Maxime Lemieux-Laramé, qui va nous faire des suggestions musicales dans son blog Télécharge quoi. On va avoir une chronique de vidéo à la question. Une nouvelle, je crois même. On verra. Rendu là. C'est un scoop. Ça sera peut-être une chronique d'actualité, on va voir. Peut-être. Il va y avoir aussi une chronique CNX demain. Bien sûr, il va y avoir Kiwan, il va y avoir moi, Mathieu. Plus tard aujourd'hui, sur les ondes de C'est fou, à partir de 17h. En fait, il n'y a rien avant 19h. 19h, c'est Rap 101. Et puis 21h, c'est Volteface, donc c'est du rap pour ce mercredi soir. J'étais mêlé de jour parce qu'on a eu congé lundi. Puis je pense que ça va être de même pour le reste de la semaine et le reste du mois, peut-être. Hein? Mm-hmm. Je pense qu'il y a bien des gens qui sont mêlés comme ça. Donc, on compatit. Avec toi, là. Bon, ben merci de juste faire comme si c'était juste moi. Ouais. Bon. Ah, des fois, Kiwan, tu m'énerves. Non, c'est la fin de l'émission. À demain, Kiwan. Ouais, c'est fini, là. Bonne soirée. Regarde, lâche. Tu me coupes ça sec pas mal, toi, hein? Criquet, criquet. Dommage qu'Emilie soit pas là pour imiter des criquets encore ce soir. On parlera de ses criquets jusqu'à la fin des temps. Allez entendre sa chronique sur cif.ca et puis bidonnez-vous de son imitation de criquet. Voici l'Info Campus, puis bye-bye. Salut, Matt. Salut. Voici votre capsule Info Campus. C'était votre capsule Info Campus. Puis ouais, avant de se quitter, tu me faisais remarquer qu'on a oublié de dire quelques affaires. Puis je trouve que c'est bête de notre part de partir sans dire ces affaires-là. Ben oui, on est parti un peu en sauvage, mais on est encore là. Ah ouais, c'est ça. Il y a le happening des Patriotes qui est aujourd'hui, ça a lieu là. Ça commence là. Amenez-vous ici au pavillon Néré-Beauchemin ou à la Chasse-Galerie. C'est partie d'avant-match, un tailgate party pour la partie de hockey des Patriotes qui va avoir lieu ce soir avec le transport fourni pour aller jusqu'à l'aréna. Plein d'animations là-bas, plein de trucs super le fun. Ici à la Chasse-Galerie, il va y avoir une bière spéciale des Patriotes. Donc ça, puis ensuite, le party revient ici après la partie puis ça continue toute la nuit. Navette tout le temps, donc super le fun. Et puis les parties sont gratuites pour les étudiants, comme on l'avait dit. Exact. Voilà. Sinon, est-ce qu'on avait oublié d'autres choses? Je crois qu'il y avait d'autres choses à dire. Que demain, Éric Granger va être à l'émission pour parler d'improvisation musicale. Ça va être l'arbitre des matchs qui va être là. Exact. Ça commence demain, l'impro musicale, et puis on va en parler en détail demain. Bon. Fait que là, on a-tu dit ce qu'on avait à dire? Fait qu'on s'en va. Bye. OK, bye. Bye.